Querette, Althea, Violette, Lila, Violette, Lila, Violette, Hyacinthe, Artemisia, Jacinthe, Camélia, Myrtille, Cerise, Vanille, Amaryllis, Vanille, Amaryllis, Vanille, Sylvie, Églantine, Rosalie, Clémentine, Cannelle, Lys, Prunelle, Myosotis, Prunelle, Myosotis, Prunelle, Fleurette, Santoline, Bleuette, Albine, des bouquets qui fleurissent. Narcisse, des bouquets qui fleurissent, des bouquets qui fleurissent, tombeau de Narcisse.